إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما يسره لنا من الاجتماع لمدارسة كتاب الحافظ النووي رحمه الله. Nous voici une nouvelle fois réunis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'étude de certains sens des 40 hadiths compilés par Al-Hafidh Al-Nawawi rahimahullah. L'auteur nous dit, le troisième hadith, Abu Abdurrahman Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma a dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, l'islam est bâti sur 5 piliers, le témoignage qu'il n'y ait d'autres divinités en droit d'être adorées en dehors d'Allah et que Mohammed est son envoyé, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison d'Allah et le jeûne du mois de Ramadan. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, qui est le troisième hadith cité par l'auteur, traite donc des cinq immenses piliers sur lesquels repose l'islam, qui sont la shahada, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, le pèlerinage et le jeûne du mois de Ramadan. Des piliers qui ont déjà été cités, comme nous avons pu le voir dans le hadith précédent, le hadith de Jibril. Donc dans cela, il se trouve en apparence une certaine forme de répétition. Mais cela n'est pas sans but, car ce hadith vient en réalité donner un sens supplémentaire. Ce sens qui est que ces cinq piliers ne sont pas tout l'islam, mais la base sur laquelle l'islam repose, sans laquelle l'islam ne peut tenir, et donc le reste des œuvres qui n'ont pas été citées, comme à titre d'exemple le djihad, la bienfaisance envers les parents, le fait de lier les liens de parenté ou autres, vont venir compléter l'islam de la personne, qui lui repose sur ces cinq piliers. Donc cela montre l'importance de ces cinq piliers quant au reste des œuvres. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah nous dit à ce sujet en commentaire de ce hadith. La citation de l'islam est venue dans le hadith précédent, qui est le hadith de Jibril. Et ce qui est voulu par ce hadith, c'est-à-dire le hadith que nous avons entre les mains, est que l'islam est construit sur ces cinq piliers, qui sont comme les piliers et ce sur quoi repose l'édifice. Puis il nous dit, et le but est de comparer et de représenter l'islam comme un édifice qui a pour base sur laquelle il s'appuie ces cinq piliers. L'édifice ne peut donc pas tenir sans eux, donc sans ces cinq piliers. Et quant au reste des actes de l'islam, ils viennent comme ce qui va compléter l'édifice. Donc s'il manque un de ces actes, donc un des actes qui sont autres que les piliers, comme le fait de lier les liens de parenté, le fait d'accomplir le djihad ou autre, donc s'il manque un de ces actes, l'édifice aura un manque, mais il sera toujours debout, car ses piliers sont toujours présents. Et il ne s'effondrera pas par la perte de cela. Contrairement à la perte de ces cinq piliers, alors certes l'islam disparaîtra s'ils sont tous absents, sans aucun doute. Tout comme l'édifice de l'islam disparaît et s'effondre par la perte des deux attestations, donc qui sont les premiers des piliers, qui ont pour sens la foi en Allah et en son messager, Et cela a été cité dans la version rapportée par Al-Bukhari, Ta'liqan, dans laquelle il est dit: l'islam est bâti sur cinq piliers: la foi en Allah et son messager, puis la fin du hadith. Et dans une version rapportée par Muslim, la foi sur cinq piliers: premièrement, qu'Allah soit unifié. Et dans une version, qu'Allah soit adoré et qu'il soit mécru en ce qui est adoré en dehors de lui. Puis il nous dit, rahimahullah. Et à travers cela, nous voyons que la foi en Allah et son messager entre dans l'islam, comme cela a été cité dans le hadith précédent. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc dans ses propos, l'imam Ibn Rajab rahimahullah nous cite plusieurs points. Premièrement, l'importance de ces cinq piliers. Quant au fait que par leur disparition, l'édifice de l'islam disparaît, alors que le reste des actes vont venir compléter l'islam. Donc s'ils disparaissent, l'islam sera encore présent, mais il aura un manquement. Puis il nous cite aussi certaines versions du hadith venant montrer que le sens de la shahada est la foi en Allah et la foi au messager. Donc que cela vient confirmer les propos cités dans le hadith précédent quant au fait que le mot islam, lorsqu'il est cité tout seul, prend le sens des actes apparents et des actes intérieurs, comme dans ce hadith. Donc ici, il est voulu par l'islam la foi en Allah, ce qui implique la foi en son tawhid, dans l'adoration, dans la seigneurie, dans la perfection, la foi au messager sallallahu alayhi wa sallam, qui implique la foi en toutes ces informations, donc ce qui implique la foi au reste des piliers, qui sont la foi aux anges, au jour dernier, au livre, au messager, au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Donc le hadith englobe les actes apparents et cachés. Puis par la suite, quant au hadith en lui-même, quant au premier de ces cinq piliers qui a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la shahada, qui est, comme cité dans le hadith précédent, le plus important de ces cinq piliers, sur lequel repose l'islam, car il est celui sur lequel vient se reposer le reste des piliers, et celui sans lequel aucune œuvre n'est valable et n'est acceptée, car il contient et renferme les deux conditions obligatoires pour l'acceptation de chaque œuvre, qui sont, comme cité précédemment, la sincérité, qui se trouve dans la parole « La ilaha illallah », qui contient une négation et une affirmation. La négation de tout être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'affirmation de l'adoration à Allah seul. Et la deuxième condition, qui est la conformité de l'acte, c'est-à-dire qu'il soit conforme à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Cela dans la parole « Muhammad Rasulullah », que Muhammad est l'envoyé d'Allah. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous cite une parole très importante concernant l'importance de concrétiser et de parfaire les fondements sur lesquels repose l'islam, et en particulier sur ce premier pilier qui repose sur le tawhid, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la soumission à lui seul, ainsi que le suivi exclusif du messager sallallahu alayhi wa sallam en dehors de quiconque. Il nous dit rahimahullah: quiconque veut la hauteur de son édifice, alors il se doit de raffermir, de parfaire et de donner une énorme importance à ses bases et fondements. Et la hauteur de l'édifice sera selon le raffermissement et la perfection de ses fondements et ses bases. Donc ici sera la shahada de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Puis il nous dit: donc les œuvres et les degrés sont un édifice qui ont pour base la foi. Et lorsque les bases sont raffermies, alors l'édifice peut tenir dessus et monter en hauteur. Et si jamais une chose vient à s'effondrer de cet édifice qui a des bases solides et fermes, alors il sera facile de le rattraper. Alors que si la base de l'édifice n'est pas raffermie et solide, l'édifice ne se lèvera pas et il ne sera pas ferme. Et si une chose vient à s'effondrer de cet édifice dont les bases ne sont pas fermes, alors il tombera ou sera presque sur le point de tomber. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, cela pousse le musulman à donner une importance particulière et capitale à la concrétisation de ce premier pilier, qui est la shahada, sur lequel repose le reste des piliers. Cela, en concrétisant le tawhid de par les actes et les œuvres. Et qu'il sache que cela ne peut se faire qu'à travers premièrement la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par ses noms et attributs, et de par ses actes qui sont entre la justice, la sagesse et la grâce. Puis par la suite, de lui vouer subhanahu wa ta'ala lui seul tout acte d'adoration et de lui vouer un culte exclusif. Donc ces deux points qui seront la connaissance, puis les œuvres qui sont les deux points et les deux raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain et les deux raisons qui sont le but de son existence. Cela comme le cite les gens de science, rahimahumullah, hafidhallahu al-ahya minhum. Ces deux points qui sont appelés par les gens de science, tawhidul ma'rifati wal ithbat, wa tawhidul iradati wa talab. Le tawhid de la connaissance et de l'affirmation, et le tawhid de la volonté et de la demande. C'est-à-dire le tawhid dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui réunit le fait de le connaître de par sa perfection, ses noms et attributs, et de par sa seigneurie, et le tawhid des actes qui consistent à lui vouer un culte exclusif. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet du premier des tawhids qui est al-ma'rifatu wal-ithbat, la connaissance et l'affirmation. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après le sens du verset. Allah est celui qui a créé sept cieux et son équivalent en terre. L'ordre descend entre celles-ci pour que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et qu'il cerne toutes choses de par sa science. Surat At-Talaq, verset numéro 10, verset numéro 12. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a cité qu'il a créé pour que vous sachiez. Khalaqa li ta'lamu. Pour que vous sachiez, donc pour que vous le connaissiez de par sa perfection subhanahu wa ta'ala. Pour que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et qu'il cerne toutes choses de par sa science. Puis, quant au deuxième des tawhid, qui est tawhid al-iralati wa talab, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala de par la demande et l'envie, de par les actes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à son sujet d'après le sens du verset, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Surat al-Dhariyat, verset numéro 56. Puis, par la suite, nous passons au deuxième des piliers, cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la prière. Et certes, il est venu à son sujet, en plus du hadith que nous avons entre les mains, un grand nombre de preuves montrant sa grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui doit pousser le musulman à lui donner une importance capitale. Allah nous dit d'après l'essence du verset, « Et ceux qui s'accrochent fermement au livre et accomplissent la prière, alors certes, nous ne ferons pas perdre la récompense de ceux qui se réforment. » Surat al-A'raf, verset numéro 170. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah nous dit en commentaire de ce verset, « La parole d'Allah et ceux qui s'accrochent fermement au livre, c'est-à-dire qu'ils s'y accrochent de par la science et les œuvres. Ils connaissent ce qu'il contient comme jugement et information, qui sont les plus nobles des sciences, et ils accomplissent les ordres qu'il contient, qui sont le plaisir des yeux et des cœurs, la joie des âmes et la réforme de ce bas monde et de l'au-delà. » Puis il nous dit, « Et il fait partie de la plus énorme des choses dont il est obligatoire de s'accrocher fermement l'accomplissement de la prière, de manière extérieure et intérieure. Et c'est pour cela qu'Allah l'a spécifié et cité dans ce verset. Car dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité ceux qui s'accrochent fermement au livre, puis a spécifié la prière, la salat. Alors que la salat, en réalité, fait partie du fait de s'accrocher fermement au livre. Donc ici, l'imam al-Sa'di rahimahullah nous cite qu'Allah l'a spécifié, cela de part du fait de son importance, de son mérite. Il nous dit, rahimahullah. Et c'est pour cela qu'Allah l'a spécifié et cité dans ce verset. Pour le mérite qu'elle a, sa noblesse, et car elle est la balance avec laquelle on pèse la foi. Et que son accomplissement pousse à effectuer autre parmi les actes d'adoration. Intaha kalamuhu rahimahullah. Tout comme il a été rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah et autres, la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à propos de la prière. Quiconque la préserve, elle sera pour lui une lumière, une preuve et un salut le jour dernier. Et quiconque ne la préserve pas, n'aura ni lumière, ni preuve, ni salut le jour dernier, et il sera ressuscité avec Qarun, Fir'aun, Haman et Ubay ibn Khalaf, qui font partie des têtes parmi les mécréants. Et parmi ceux qui montrent aussi son importance, ce qui était rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, et autres, quant au fait qu'elle soit la première chose sur laquelle sera questionné le serviteur. Si elle est acceptée, il aura réussi et sera sauvé. Et si elle est rejetée, alors il aura échoué et perdu. Et parmi ceux qui montrent la gravité de son délaissement, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit à propos des gens de l'enfer, qu'il leur sera dit: qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar, c'est-à-dire en enfer? Ils répondront: nous n'étions pas du nombre des prieurs. Sourate Al-Muddathir, verset 42. Donc tout cela est bien notre preuve qui pousse le croyant à donner une importance capitale à la prière. Cela, de par l'apprentissage de ses piliers, ainsi que ses conditions sans lesquelles elle n'est pas valide et n'est pas acceptée, ainsi que l'apprentissage des actes qui peuvent l'annuler, tout comme il se doit de s'efforcer de l'accomplir de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, avec présence du cœur, humilité et calme. Puis nous avons par la suite le troisième des piliers cité par le messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'acquittement de l'aumône, az-zaka, qui est appelé qarinatu s-salah, qui est associé à la prière dans le Coran. Az-zaka, qui est une adoration qui se fait de par les biens de la personne, ibadatun maliyya, et qui, comme son nom az-zaka, qui a comme dérivé le fi'l zakka, qui prend comme sens le fait de purifier, ou bien zakka yazku, qui prend comme sens le fait d'augmenter, donc vient pour purifier le cœur de celui qui s'acquitte d'elle, de certaines maladies, comme l'avarice et autres, tout comme elle vient pour purifier ses biens, tout comme elle est une cause qui permet l'augmentation et la bénédiction des biens de celui qui s'acquitte d'elle. Donc, cette zakat, qui se fait obligatoirement une fois dans l'année, pour quiconque a atteint le seuil par lequel il devient imposable durant cette année. Elle est donc une somme d'argent prise aux riches pour être reversée aux pauvres, à travers laquelle se concrétise, comme le citent les gens de science, énormément de profits et d'intérêts pour les croyants et pour les musulmans. Parmi ceux-là, comme il a été cité, le fait qu'elle vient purifier le cœur et les biens de celui qui s'acquitte d'elle, tout comme elle permet de concrétiser l'amour entre les croyants, l'entraide, la miséricorde des uns envers les autres. Elle permet aussi de faire disparaître certaines choses blâmables, comme la jalousie, la haine, la transgression et autres. Donc, il incombe aussi aux musulmans, et en particulier celui qui détient une somme d'argent atteignant le seuil imposable pour la zakat, de se renseigner et d'apprendre les règles concernant la zakat pour pouvoir s'acquitter de ce devoir et en tirer lui-même les profits qui en découlent et les récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservées pour cela. Puis, quant au quatrième des piliers, cité dans l'ordre de ce hadith, il est le pèlerinage. Le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un acte d'adoration qui se fait par le corps ainsi que les biens. Ibadatun maliyya wa. Donc, qui est un acte d'adoration immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire une fois dans la vie pour quiconque en a la capacité. Allah nous dit d'après l'essence du verset: et il incombe aux gens envers Allah d'accomplir le pèlerinage à la maison pour quiconque en a la capacité. Surat Ali Imran, verset 98. Et parmi ceux qui montrent son immense mérite, la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui dit: le pèlerinage accepté, al-hajj al-mabrur, n'a d'autre récompense que le paradis. Et parmi cela, le fait que celui qui l'accomplit, qui accomplit le pèlerinage de manière correcte, en revient comme le jour où sa mère l'a enfanté, c'est-à-dire qu'il voit ses péchés effacés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis quant au cinquième et dernier pilier, dans l'ordre de ce hadith, il est le jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à son sujet, d'après l'essence du verset: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il fut prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah, verset numéro 183. Donc, les mérites du jeûne du mois de Ramadan, en plus qu'il soit un pilier sur lequel repose l'islam, est le fait, parmi ceux-là, il y a le fait qu'ils permettent, comme cité dans le verset, d'atteindre la piété, à travers laquelle le serviteur obtient des profits et mérites indénombrables, comme l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit d'après l'essence du verset: et Allah aime les pieux. Et parmi les profits et mérites découlant du jeûne, il y a le fait qu'elle purifie le jeûneur et l'habitue à la patience et au délaissement des péchés. Cela pendant une période d'un mois qui aura un impact et sera une aide pour le jeûneur tout au long de l'année quant au délaissement des péchés, quant au délaissement des péchés et à l'attachement à la droiture. Donc cela, pour finir, il incombe aux musulmans et aux croyants d'immensifier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu immense et ce à quoi il a donné une importance, comme ces cinq piliers immenses de l'islam, sans lesquels il ne tient pas. Cela de par l'apprentissage, puis la mise en pratique, ainsi que le fait d'appeler et d'inciter autrui à cela, puis la patience et la persévérance dans cela, en espérant obtenir à travers cela l'immense récompense de l'entrée au paradis et d'être préservé du feu. Cela comme il fut rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah et autres, d'après Mouad ibn Jabal radiyallahu anhu, qui a dit: Ô messager d'Allah, informe-moi à propos d'une œuvre qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera de l'enfer. Et au messager sallallahu alayhi wa sallam de lui citer ces cinq piliers, qui sont l'attestation de foi, al-shahada, qui contient comme cité la foi en Allah et en son messager, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée. Hada wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.